des nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Elle ne se jugeait pas très photogénique. On ne devient pas photogénique, du reste. Ce sont les opérateurs qui deviennent excellents. Très grande vedette de cinéma, et venue très tard au cinéma, à la scène une voix de soprano lyrique. Une grande actrice qui entra dans la résistance très tôt. Une vedette qui, le 4 décembre 1950, était au micro des producteurs de l'émission Actualité du cinéma sur Paris Inter, tenue de raconter son dernier tournage, Françoise Rosay. Veuillez écouter l'actualité du cinéma par Simone Dubreuil et Georges Charançon. Poursuivons, mon cher Charançon, nos entretiens avec les très grandes vedettes. Après Edwige Feuillère, après Gabrielle Dorzia, après Daniel Delorme, après Michel Morgan, c'est avec Françoise Rosay que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Françoise Rosay, qui est une grande voyageuse, qui arrive d'Allemagne après être passée par le Canada, l'Angleterre, l'Italie et l'Amérique. Eh bien, Françoise, chère Françoise Rosay, voulez-vous nous parler de tous ces voyages et aussi nous raconter tout ce que vous savez du monde cinématographique actuel? Oh. Et tout cela en 3 minutes, naturellement. Oh non, mais ça c'est, non, c'est une question trop vague. Eh bien, alors serions les questions. Oh, oui. Que venez-vous de tourner en Allemagne, à Hambourg, je crois? Eh bien, je viens de tourner un film qui s'appelait Viele heißen Kain, qui est tiré d'un livre de Alfred Neumann, qui a d'ailleurs écrit une pièce après de se tirer de ce même livre, qui a été aussi joué à Hambourg, et dont on va naturellement changer le titre. Et je ne pourrais pas vous le dire très bien parce que je ne m'en souviens pas. Je crois que ça s'appelle Les années silencieuses ou quelque chose comme ça. Vous aviez un rôle intéressant dans ce film? Oh, mon Dieu, oui, assez, enfin, pas très, quand même. Enfin, la bonne qui est depuis toujours dans la maison et qui est la Dorine moderne, enfin, la Dorine allemande qui se mêle de tout. Mais et qui dites-vous donne son française avis. Ou allemande, non? Allemande. Vous parlez d'ailleurs très, très bien français. Non, non, je parle en somme très mal allemand. Enfin, j'ai appris l'allemand quand j'étais très jeune, mais je ne l'avais pas parlé depuis 12 ans, c'est-à-dire depuis le début de la guerre, et j'avoue que la première semaine a été assez dur. Ah, oh, oui, alors je me suis enfermée, j'ai travaillé avec un acteur charmant, un acteur allemand qui m'a fait travailler mon rôle. Et je veux dire qu'après, j'étais au studio sans script. J'étais, je crois, la seule à ne pas en avoir. Et vous voyez, je suis très curieuse, Françoise Rosay. Moi-même, j'ai été à Munich aux vacances dernières, mais je n'ai pas été à Hambourg. Je voudrais savoir quelle est l'atmosphère des studios de Hambourg. Est-ce qu'on travaille aussi ardemment qu'à Munich? C'est-à-dire que les studios, mon Dieu, enfin, je n'ai pas vu le plus beau, ce qu'ils appellent le plus beau, qui est un studio moyen, mais je ne suis pas entrée dedans, qui, je crois, est assez bien équipé. Nous avons tourné dans une caserne, on a transformé une partie de la caserne en studio. Si toutes les casernes pouvaient être transformées en studio. Je crois que d'ailleurs, ce serait beaucoup, beaucoup mieux et partout, puis on y aurait beaucoup de studios. Alors, évidemment, ce studio, comme on craint toujours d'avoir à retransformer ce studio de nous en caserne, de nouveau, on n'y fait pas de grands travaux qui seraient nécessaires. Mais enfin, mon Dieu, ça peut aller. Le studio ne vaut pas, évidemment, les studios allemands d'avant-guerre. Mais j'ai retrouvé toutes les équipes, j'ai retrouvé des ouvriers que je connaissais et qui avaient connu mon mari et qui ont évoqué avec émotion ces souvenirs. Car Jacques Feder a tourné, lui aussi, en Allemagne. Et c'est même en Allemagne qu'il a réalisé certainement son plus beau film, je crois, que bien qu'il soit très ancien, j'ai nommé Thérèse Raquin. Eh bien, vous lui auriez fait plaisir. Mais je crois, j'en avais parlé avec lui, il aimait beaucoup Thérèse Raquin. C'est un admirable film. Oui. Oui, ça, il l'avait tourné à Berlin. Et puis, alors, après, il a tourné Les gens du voyage à Munich. Oui, oui, oui, oui. Il avait beaucoup travaillé en Allemagne, oui. Et vous aussi, d'ailleurs. Oui. Eh bien, parlez-nous encore de vos films récents. Avant de tourner en Allemagne, dans quel pays avez-vous tourné? Puisque chaque fois, je crois, vous changez de pays. Oui, oui, enfin, je suis bien obligée. Eh bien, j'ai été tournée au Canada, une version française du Corbeau, avec Charles Boyer. Une version anglaise, plutôt. Qu'est-ce que j'ai dit? Anglaise, française, vous avez dit. Oh, je me trompe. Une version anglaise du film français Le Corbeau, qui s'appelle The Scarlet Pen. et Boyer jouera le rôle de l'Arquet. Il y fait ses débuts dans un rôle de vieux docteur, il y sera remarquable, avec mademoiselle Linda Darnell et une débutante, mademoiselle Smith, qui est absolument ravissante. Et qui tient le rôle de Pierre Freinet, qui était considéré dans le film de Clouseau comme le rôle essentiel du film. Un garçon qui s'appelle Michael Rennie, un grand anglais que vous avez peut-être vu dans le rôle du roi dans The White Rose. Oui, on est grand garçon. Et alors, remontons encore un petit peu. Avant le Canada, où étiez-vous? Je ne sais plus. En Italie, je crois. Non. Ah non, en Italie, c'était en juillet, enfin il y a un an. J'ai tourné alors le film de Radvani qui n'est pas encore sorti. Oui, Femme sans nom, que nous verrons bientôt, qui a été présenté à l'Opéra et qui a d'ailleurs remporté le prix Selznick à Venise, c'est-à-dire le prix du film qui travaille le mieux, qui a le mieux collaboré, enfin l'entente entre les peuples. Mm-hmm. C'est un film tout à fait passionnant, puisque votre personnage est une de ces femmes déplacées, enfin. Oui. Des personnes déplacées. Et il y en a légion encore. Qui sont hébergées dans des camps de barbelés en Italie, pas maltraitées, mais pas heureuses non plus. Non. D'ailleurs, dans le studio même où nous tournions, il y avait une partie du studio qui, lui, avait été transformée en camp. Mais le camp avant le départ. Et alors, il y avait des familles, il y avait des grappes d'enfants. Et j'avoue que ça nous fendait un peu le cœur de voir tous ces hommes inactifs, toutes ces femmes qui traînaient ces enfants. Oui, en effet. Mais Radvani est un metteur en scène dont nous attendons beaucoup. Et le film que nous avons vu l'année dernière était vraiment une chose extrêmement émouvante. Vous avez, je crois, surtout travaillé au cours de ces dernières années en Angleterre, n'est-ce pas? Ah oui, alors attendez, Rose. J'avais joué une pièce en Angleterre, je sais. Oui, oui, j'ai fait tellement de choses, je suis un vous peu... Vous étiez muette, aveugle et sourde, non. Non, hélas, je n'étais pas muette, hélas, je parlais beaucoup, non, j'étais sourde et aveugle. Ah bah c'est, vous voyez, j'étais pas loin du compte. Et j'ai dû, enfin, apprendre en partie le langage pas des sourds muets, mais des sourds aveugles, qui est un autre langage, d'ailleurs, et qui est assez intéressant. Et là, j'ai joué avec mon fils, et cette pièce qui était un thriller, qui ferait d'ailleurs un très bon film. Nous avons fait une tournée en anglais, nous avons joué à Londres. Mais vous allez jouer à Paris maintenant, une pièce qui n'est pas la même. Non, c'est une pièce qui s'appelle Oncle Harry, dont j'ai acheté les droits pendant la guerre, qui était très très bien jouée par Michael Redgrave. Et voilà, c'est Jean Marchat qui va la jouer. Nous allons la jouer la semaine prochaine à Bruxelles d'abord et au fait à Nice. Et, à Paris. À Paris, nous nous battons pour avoir un théâtre, ce qui est extrêmement difficile. Je songe à la jouer Place de la Concorde, je crois que ce serait mal. Ce serait parfait. Ce serait bien. Oui. Il y aurait de la place. Non, mais enfin, il y aurait beaucoup de spectateurs, avouez-le. Je dois dire que cette rentrée au théâtre nous intéresse beaucoup, car vous êtes une très grande vedette de cinéma, Françoise Rosé. Mais nous vous avons rarement applaudi à la scène. À la rentrée, oui. Après la Libération, vous avez joué j'ai joué au Théâtre Antoine et puis j'ai joué à l'ABC quelques sketchs. Mais enfin là, je n'ai presque pas tourné. Quand je suis revenu, je suis resté 2 ans à peu près sans rien faire. Mais alors, ça me permet de vous poser une question et de vous demander de rappeler à nos auditeurs comment c'est l'opéra qui vous a conduit en somme au cinéma. Ah, pas du tout. J'ai commencé par faire du théâtre, j'étais fort jeune. Et ce qui m'a amusé, je répète en ce moment aussi, j'ai retrouvé une actrice avec laquelle je jouais à la Comédie Mondaine pour 35 francs par semaine. Nous touchions chacune, nous étions rudement contentes d'ailleurs. Et bien, il y a bien longtemps, inutile de vous le dire. La Comédie Mondaine. C'était à la Pigalle, enfin, entre c'est, Pigalle c'est et dans Anvers. La petite rue qui prend sur la place Pigalle. C'est ça, et nous jouions aussi à Place d'Ancourt. Qui est maintenant transformé en cinéma. Oui, voilà, ça. Et puis je jouais aussi Place d'Ancourt, qui est devenu le théâtre de Dunin, qui est devenu l'atelier, et le théâtre Moncey. Et là, nous jouions de grands drames, et quand je jouais la méchante, je recevais des petits bancs sur la tête. Et le public nous attendait à la sortie. Ça, c'est dur. Et alors, avec le public et prudente et alors j'ai débuté au Fantaisie parisienne qui était rue Fontaine, qui est devenue je ne sais pas quoi après, qui est à côté de la Poste, vous étiez absolument fidèle à Montmartre, car tous ces théâtres sont Montmartre. Je vais vous dire, dans ce temps-là, il n'y avait pas de cinéma, n'est-ce pas, et les acteurs, les jeunes acteurs étaient obligés de travailler, et pour travailler ils jouaient dans ces petits théâtres où on reprenait les spectacles du boulevard. Et nous jouions les pièces de Sacha Guitry. Moi, j'ai débuté dans une pièce de Sacha Guitry. Un rôle de Pauline Carton, en somme. Oui, et puis après, je jouais la grand-mère. Enfin, nous jouions et nous changions tous les 8 jours. Mais l'opéra, cher François. Eh bien, alors voilà, je me suis présentée au conservatoire en comédie. J'étais dans la classe de Paul Mounet et je suis restée 3 ans. J'ai eu mon premier accès la 2e année. J'ai raté mon premier prix. Et j'étais en même temps à l'Odéon avec Antoine. J'ai travaillé 2 ans avec Antoine. Et puis, j'étais à Théâtre Michel. Je dis à Saint-Pétersbourg, parce que dans ce temps-là, c'était comme ça. Et puis la guerre a éclaté. Et j'avais toujours voulu faire du chant, ma mère ne voulait pas. Et alors, je me suis représentée au conservatoire. J'ai fait 6 ans de conservatoire. 6 ans de conservatoire. Et je me suis rentrée au conservatoire. Et là, j'ai eu mon premier prix d'opéra. Première nommée. Et j'ai dit première nommée, j'étais fort fière. Et alors, je suis entrée à l'opéra. Et puis, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Mais qu'avez-vous chanté à l'opéra? J'ai chanté Salammbô, Castor et Pollux. De très grands rôles, en somme. Vous aviez quelle voix? J'avais une voix de soprano lyrique. On voulait faire de moi absolument un grand soprano dramatique à cause de ma taille et de mon tempérament dramatique. Mais en réalité, j'avais un soprano lyrique. Et alors, vous avez, quand vous êtes marié, vous avez abandonné, en somme, ben, la scène. C'est-à-dire, oui, enfin, c'est pas tout à fait ça. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant, donc petit arrêt. Et puis, j'ai commencé à être très mal portante. Et le fait de ne pas être sûre de ma voix m'a donné un trac tel. J'ai presque eu une maladie nerveuse. C'est très tragique ce que je raconte, mais c'est vrai, c'était affreux. Et puis alors, le cinéma a mangé le chant, vous comprenez, oui, oui. Le rythme de la vie n'est plus le même, à la maison c'était cinéma, et mon Dieu, mais comme je n'étais pas photogénique à ce moment-là, mais je reste... Mais bien photogénique, comme ça. Non, c'est-à-dire que les opérateurs deviennent excellents. Oui, et alors... c'est exactement ce que nous pensons. D'ailleurs, les ingénieurs de son, c'est la même chose, ils vous disent que notre voix n'est pas bonne, et puis un beau jour, elle devient excellente. Mais il y a une question d'appareil aussi. Alors, mais il ne s'agit pas des opérateurs de la qualité du cinéma, parce que toutes les voix sont parfaites. Donc, Françoise Rosé, vous êtes venue au cinéma extrêmement tard. Et alors, je suis restée 12 ans mariée sans jamais tourner dans les films de Jacques, si ce n'est que comme figurante, parce qu'il prétendait que je lui portais bonheur. Ça, c'est venu 12 ans après. Ah, c'est 12 ans. Et alors, je figurais toujours, et dans tous ces premiers films, il y a toujours une grande dame, grande par la taille, qui se promène dans le fond. Mais je voudrais que vous nous disiez, c'est un point d'histoire extrêmement intéressant, je voudrais que vous nous disiez comment, précisément, pour la première fois, Jacques Feder a fait appel à sa femme et lui a confié un rôle important dans un film. Comme je n'étais pas spécialement photogénique, je n'étais pas si laide que ça quand même. Enfin, je n'étais pas une de ces femmes photogéniques, et le cinéma m'exigeait des êtres tout de même parfaitement beaux. Enfin, et on les recherchait, on avait bien raison. Mais c'est dans Gribiche, c'est Alexandre Kamenka, d'ailleurs, qui a dit à Jacques, mais pourquoi ne faisons-nous pas nous donner Françoise, qui sera très bien dans le rôle de cette Américaine. Alors j'ai fait, et je dois dire que ça a bien marché. Je vais continuer, puis j'ai eu un troisième enfant. Alors, encore petit arrêt, Jacques est allé en Indochine, et puis enfin Jacques a tourné, et puis il est parti pour l'Amérique. Et là, je suis partie avec lui, pas du tout comme actrice, mais, mon Dieu, comme femme. Une femme accompagne son mari, elle doit suivre son mari. Non, pas seulement ça, mais je parlais bien anglais, lui parlait, mais moins bien que moi. Et je suis restée avec lui, je lisais des scénarios, et je l'aidais dans son travail. Et le parlant est arrivé, et c'est le parlant qui a été la cause de mon départ. L'empereur savait ça, n'est-ce pas ? Alors là, en Amérique, ils étaient décidés à faire des versions françaises. Ils m'ont demandé, ils m'ont vu, j'ai lu un script comme je faisais toujours. Et là, Al Owen, le producteur, que vous connaissez peut-être aussi comme metteur en scène, a dit, mais il faut absolument, pourquoi est-ce que Mme Rosé ne joue pas ce rôle ? Évidemment, tout le travail que j'avais fait dans ma jeunesse est ressorti et m'a aidé, vous comprenez ? J'ai pu, alors on a dit, mais c'est drôle, elle n'a jamais joué. Mais si, j'avais joué beaucoup. Eh bien, Françoise Rosé, vous êtes passée de vos dernières productions à vos toutes premières, et nous sommes très heureux que vous ayez bien voulu venir faire avec nous ce tour d'horizon. Vous venez d'entendre L'actualité du cinéma par Simone Dubreuil et Georges Charançon. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur Paris Inter le 4 décembre 1950. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.